Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, en date du 26, donne un éditorial titré « Le gouvernement japonais cynique et le gouvernement sud-coréen cruel » pour condamner les autorités japonaises et sud-coréennes qui s'engagent dans l'application de l'accord sur le crime d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. Par ailleurs, le papillon de l'espoir de Washington, formation destinée à régler le problème des esclaves sexuels, a publié le 24 août devant l'ambassade japonaise aux États-Unis une déclaration titrée « Un monument à la paix à Washington, États-Unis ».